Chapitre 4. L'enquête de l'inspecteur Denizet. Paul Barve est employé un moyen fort simple pour retrouver Jeanine. Fort simple, mais ingénieux. Il savait, devinait, qu'aucun argument ne la déciderait à rentrer chez Bernard Lambert. Il ne s'agissait que de la tirer au téléphone par une note de presse. Le coup avait réussi. Mais l'ayant à l'appareil, il fallait l'y maintenir. C'était plus difficile. Paul Barre l'avait pu. Il avait eu l'idée de l'inquiéter au sujet de cet inconnu en compagnie de qui il l'avait vu deux fois. Et il avait remarqué, à la voix altérée de Jeanine, combien elle était éperdue de la menace qui pesait sur le jeune homme. On a cette voix-là, pensa Paul Barre, que quand on aime et pour celui qu'on aime. Il lui fallut 10 minutes pour la réussite de son moyen. Quand il eut parlé 10 minutes, il s'était interrompu. Il avait, avant de partir chez Bernard Lambert, prévenu le poste d'écoute de la préfecture de police, demandant de surveiller la ligne de celui-ci. La consigne était, dès qu'une communication arriverait, de brancher de façon à surprendre le lieu d'émission de cette communication. Avec le système automatique, c'était une opération fort délicate. Mais elle est d'un usage assez courant dans certains cas. Ce qu'il fallait, c'est que Denizet, dont la voiture l'attendait devant la demeure de Bernard, arriva à l'endroit où Jeanine téléphonait avant qu'elle eût quitté l'appareil. Pour cela, il avait d'abord couru au bureau de poste voisin, où il avait retenu une cabine pour le service de police. Là, il avait, dès le début de la communication, appris que celle-ci parlait du bureau de poste de la rue Hippolyte-Lebas. Il avait foncé avec son auto et avait pu y parvenir au moment où Jeanine s'apprêtait à sortir. Et quelques minutes plus tard, il téléphonait à Paul Barre. « Chef, je vous attends à votre bureau de la police judiciaire. » Et Paul Barre était parti le retrouver. « Mission remplie, chef, » dit Denizet. « J'ai l'adresse des deux tourtereaux. C'est rue Greneta, 70. »« Bien, » fit Paul Barre. « Retournons chez ce pauvre Bernard Lambert. » »« Mais il ne faut pas lui faire trop de peine, inutilement et peut-être injustement. » « Ça, chef, je ne le pense pas. Je les ai vus tous les deux au restaurant et leur attitude démontrait bien leur intimité. J'ai même entendu un ou deux mots. Ils se tutoient, alors. « Vos déductions sont logiques, » dit Paul Barre. Chez Bernard, qui se précipita vers eux, Paul Barre dit seulement « Mon collègue a vu Jeanine Durand. Je la verrai demain. » « Qu'a-t-elle dit? Levez-vous parler de moi. » « Je l'ai vue, » fit Denizet. « Je ne lui ai pas parlé. Pourquoi? Pourquoi ?» interrogea Lambert d'un ton de reproche. « Parce qu'en lui parlant, on la ferait fuir. En la surveillant, on peut savoir son adresse et son secret. » « C'est juste, » laissa tomber Bernard Lambert. « Messieurs, excusez-moi. » « Voilà l'affaire, » expliqua l'inspecteur Denizet. « Quand cette demoiselle est sortie du bureau de poste de la rue Hippolyte-Lebas, je l'ai suivie. » « Vous saviez donc qu'elle y était ?»« Oui. » Et il exposa le système employé avec des termes techniques que l'ingénieur écoute avec impatience. « Ensuite » demandait-il. « Ensuite, je l'ai vue entrer dans un restaurant de la rue Lamartine. Quand elle en est sortie, elle a pris le métro. Moi aussi, derrière elle, et je l'ai suivie jusque chez elle. Où cela? Permettez !» fit l'inspecteur Paul Barre. « Nous n'avons pas le droit de vous le dire sans son consentement. C'est la loi. Mais moi, je peux la voir et lui parler. » « Ce que je peux vous révéler, c'est que c'est tout près du métro Réaumur. »« Donc, » reprit l'inspecteur Denizet, comme s'il s'agissait d'un détail sans importance, « je l'ai vu entrer dans ce restaurant en compagnie d'un jeune homme blond. « Hein ?» s'exclama Bernard Lambert. « C'est, » continua imperturbablement l'inspecteur, « que rien ne pouvait arrêter quand il faisait un rapport et qui, dans cet exercice, était indifférent à toute circonstance extérieure, n'ayant que le souci de l'exactitude. » Un individu de visage agréable, correctement mis. Elle lui donnait le bras. Elle lui donnait le bras, vous êtes sûr? L'ingénieur était tout pâle. Monsieur, fit Denizet un peu vexé de voir mettre en doute l'exactitude de ses observations, je vous donne des détails que j'ai relevés. Je n'en tire aucune conséquence. Je suis venu vous rendre compte de ce que j'ai vu, c'est tout. Où sont-ils en ce moment? Chez eux. Chez eux? Bernard était livide. Oui, je me suis présenté au concierge de l'immeuble. Le nom de Mademoiselle Durand y est inconnu. Cette personne habite un petit logement du 4e étage loué au nom de Robert Donatien. Ce monsieur occupe cet appartement avec Mademoiselle Jeanine depuis quelques jours, exactement depuis la fuite de cette demoiselle. Son engagement de location fait connaître qu'il est négociant et qu'il arrive des colonies du côté de l'Amérique du Sud, c'est tout. Quant à la jeune fille, je ne sais rien de plus. Si le concierge ignore son nom, il sait que son prénom est bien Jeannine. Elle ne reçoit personne et pas de courrier non plus. Bernard Lambert était atterré. Jeannine, sa Jeannine, habitait avec cet homme. Cette fois, il n'y avait plus à douter. Il s'abattit dans une crise terrible de désespoir. « Pardon, » intervint Paul Bar, « ce sont là des constatations matérielles. Les faits, à mon avis, ne sont pas tout, et même, ils ne sont rien, s'ils sont contrariés par les sentiments. Je suis bien sûr que pour Denizet, » ajouta-t-il avec un sourire, « l'affaire est claire. N'est-ce pas, Denizet, parlez franchement. Dame, pour moi, il me semble que ma mission est terminée. Jeannine Durand a rompu ses fiançailles. Les deux jeunes gens se connaissent intimement, d'après mes observations. Une grande familiarité règne entre eux. En somme, on voit cela tous les jours, des mariages qui se rompent. « Denizet, » interrompit Paul Bar sévèrement, « ne dites pas de bêtises. Et vous, monsieur Lambert, attendez la fin de mon enquête. La tâche de mon collaborateur est achevée. Ses observations sont certaines. Alors, vous voyez bien. Ce que je vois, c'est que nous avons retrouvé votre ami. C'est quelque chose, cela. Et il y a mieux. Nous avons percé le mystère du métro Réaumur. »